C'est une espèce de prodige que dans un si vaste empire qui embrassait tant de nations et tant de royaumes, les peuples aient été si obéissants et les révoltes si rares. La politique romaine y avait pourvu par divers moyens qu'il faut vous expliquer en peu de mots. Les colonies romaines, établies de tous côtés dans l'empire, faisaient deux effets admirables. L'un, de décharger la ville d'un grand nombre de citoyens, et la plupart pauvres, l'autre, de garder les postes principaux et d'accoutumer peu à peu les peuples étrangers aux mœurs romaines. Ces colonies, qui portaient avec elles leurs privilèges, demeuraient toujours attachées au corps de la République et peuplaient tout l'empire des Romains. Mais, outre les colonies, un grand nombre de villes obtenaient pour leurs citoyens le droit de citoyens romains. Et, unies par leur intérêt au peuple dominant, elle tenait dans le devoir les villes voisines. Il arrive à la fin que tous les sujets de l'Empire se crurent romains. Les honneurs du peuple victorieux, peu à peu, se communiquèrent au peuple vaincu. Le Sénat leur fut ouvert et ils pouvaient aspirer jusqu'à l'Empire. Ainsi, par la clémence romaine, toutes les nations n'étaient plus qu'une seule nation et Rome fut regardée comme la commune patrie.